Dès l'âge classique, c'est-à-dire dès la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, on a un autre auteur que Spinoza qui va montrer une seconde limite de la conscience, c'est Gottfried Leibniz. Celui-ci, il montre en fait que nos perceptions conscientes, quand nous appréhendons des objets dans notre champ de perception, dans notre champ de conscience, eh bien nos perceptions, elles sont elles-mêmes composées d'une infinité de petites perceptions. Et que si nous sommes conscients globalement des choses que nous percevons, eh bien en fait, les micro-perceptions elles-mêmes, elles sont tellement infimes qu'elles en deviennent inconscientes. En fait, ce que va chercher à souligner Leibniz, c'est que la conscience, elle varie en intensité. Hein, on n'est pas, y a pas, on n'a pas juste conscience totale, inconscience totale. Il y a en fait une infinité de degrés. Et ce qu'il montre aussi, c'est que la conscience que nous avons des choses, elle dépend d'éléments qui sont eux-mêmes inconscients ou du moins quasi inconscients. Donc là, c'est ce qu'on va lire dans un passage extrait des Nouveaux Essais sur l'entendement humain. Il y a 1000 marques qui font juger qu'il y a à tout moment une infinité de perceptions en nous, mais sans aperception et sans réflexion, c'est-à-dire des changements dans l'âme même dont nous ne nous apercevons pas. Parce que les impressions sont trop petites et en trop grand nombre ou trop unies, en sorte qu'elles n'ont rien d'assez distinguant à part, mais jointes à d'autres, elles ne laissent pas de faire leur effet et de se faire sentir au moins confusément dans l'assemblage. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est que bon, quand il parle d'aperception, on peut considérer que ce terme d'aperception, c'est un petit peu c'est la conscience, en fait. C'est la perception de la perception. C'est ça, la perception. C'est le fait, je m'aperçois que je perçois quelque chose. Bon. Eh bien, il nous dit, on a parfois des perceptions sans aperception. Ça veut dire que on perçoit un objet, mais sans vraiment nous en rendre compte. Parce qu'en fait, cette perception est trop petite. Alors, il va nous donner un exemple pour essayer de se rendre compte de ça, de se dire que notre perception est composée de micro-perceptions. Il va nous donner des exemples pour rendre ça plus clair. Pour juger encore mieux des petites perceptions que nous ne saurions distinguer dans la foule, j'ai coutume de me servir de l'exemple du mugissement ou du bruit de la mer dont on est frappé quand on est sur le rivage. Pour entendre ce bruit, comme l'on fait, il faut bien que l'on entende les parties qui composent ce tout, c'est-à-dire les bruits de chaque vague, que chacun de ces petits bruits ne se fasse connaître que dans l'assemblage confus de tous les autres ensembles, c'est-à-dire dans ce mugissement même, et ne se remarquerait pas si cette vague était seule. Car il faut qu'on en soit affecté un peu par le mouvement de cette vague, et qu'on ait quelques perceptions de chacune de ces bruits, quelque petits qu'ils soient. Autrement, on n'aurait pas celle de 100 000 vagues, car 100 000 ne sauraient faire quelque chose. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est que voilà, quand on perçoit une vague, en fait, la perception du bruit de la vague, c'est en fait une composition du bruit fait par des milliers, voire des centaines de milliers de micro-vagues. Alors, chaque micro-vague prise indépendamment, on ne peut pas vraiment l'apercevoir. En fait, il nous dit, si on l'aperçoit, mais pas de façon claire et distincte. On l'aperçoit au travers de son assemblage avec les autres. Donc là, ce qu'il nous montre, c'est que on peut pas séparer en acte, on ne peut pas séparer le tout et les parties. C'est-à-dire que le tout, c'est-à-dire le bruit de la grande vague prise en elle-même, eh bien, là, je le perçois, mais en fait, je le perçois parce que je perçois les parties, c'est-à-dire chaque petit bruit. Mais chaque petit bruit pris isolément, ben lui, j'arriverai pas vraiment à l'entendre parce qu'il serait quasi imperceptible, il serait quasi inconscient. Donc là, avec ce passage que nous souligne Leibniz, c'est que la perception consciente, elle dépend de micro-perceptions qui sont, elles, inconscientes ou du moins quasi inconscientes. Donc il souligne bien que la conscience varie en intensité, ce n'est pas juste un état complètement uniforme. Elle est plus ou moins puissante selon ce qu'on perçoit et selon le degré de précision de nos organes sensibles.